France Inter, franceinter.com. Espion ou marchand d'armes, ou bien espion et marchand d'armes. Le mystère demeure quand on se penche sur l'existence de ce curieux personnage qu'est Jacques Monsieur. Aujourd'hui emprisonné aux États-Unis, ce Belge qui a longtemps vécu en France a été un rouage de ce que l'on a appelé l'Irangate, c'est-à-dire la fourniture secrète et illégale en pleine guerre Irak-Iran, de considérables quantités d'armes américaines à Téhéran par l'intermédiaire d'Israël. Un trafic auquel certaines entreprises françaises ont aussi participé et Jacques Monsieur n'y a sans doute pas été tout à fait étranger. Mais c'est en tout cas ce qu'a affirmé Monsieur X la semaine passée, le trafiquant ne s'est pas contenté de vendre des armes. Il a aussi effectué du renseignement. Et il aurait même recruté un général iranien qui a ensuite connu une fin tragique. Mais si monsieur a espionné, pour quel service secret a-t-il travaillé? Les Belges? Les Américains? Ou peut-être même les Israéliens avec lesquels il était régulièrement en contact? Quoi qu'il en soit, après la fin, en 1988, de la première guerre du Golfe, le marchand d'armes a poursuivi ses activités. On a retrouvé sa trace dans presque tous les points chauds du monde des années 90. Une décennie qui a aussi vu son installation en France dans une belle et discrète propriété berrichonne où il a élevé des chevaux. Un exil qui lui a également permis de prendre ses distances avec les autorités belges. Monsieur X poursuit le récit de cette vie hors du commun. Quelques lignes auparavant, je les emprunte à Johan Pellman, un spécialiste du trafic d'armes, qui parle ainsi de Jacques Monsieur en 2002. C'est un grand professionnel par excellence. Il s'installe près du pouvoir et crée des réseaux entre États. Chic, à demi-aristocrate, le cas typique d'un intermédiaire de la guerre froide, comme les grands intermédiaires arabes. C'est un joueur de l'ancien monde. Sans doute, mais monsieur, on va le voir, prouvera aussi qu'il était très à l'aise dans le nouveau monde qui a vu le jour après l'implosion de l'Empire soviétique. تمسكي وتهيئي وتحضري Je vous l'ai dit dans la première partie de cet entretien, dans la décennie 80, monsieur s'occupe en priorité de livrer des armes à l'Iran. Mais ça n'empêche pas de commercer avec d'autres clients. Ainsi, avec son associé israélien, Benelli, il a vendu des lance-grenades de fabrication belge à la Chine. Cependant, plus curieusement, il a aussi travaillé avec la Pologne. Attendez, la Pologne communiste du général Jaruzelski. Oui, oui, j'avoue que je ne m'explique pas pourquoi les autorités de Varsovie ont fait appel à lui. Alors, de quoi s'agissait-il exactement là ? Eh bien, au début des années 80, le gouvernement polonais songeait déjà à prendre ses distances avec le grand frère soviétique. C'est un grand frère très présent, trop et qui présent. Qui avait la fâcheuse tendance de s'ingérer dans les secteurs les plus sensibles. Ainsi, à Varsovie, on savait très bien que toutes les communications avec les ambassades polonaises dans le monde étaient écoutées par Moscou. Et cela pour une raison très simple. C'était les soviétiques qui avaient installé ces systèmes de communication diplomatique. Ah oui, ils avaient donc prévu des dispositifs d'écoute. Oui, c'est vraisemblable. Aussi, les Polonais ont-ils voulu échapper à cette surveillance permanente. Et ils ont demandé à monsieur de leur procurer d'autres systèmes. Ben, ça montre en tout cas que le Belge jouissait déjà d'une bonne réputation commerciale. Et d'après ce que j'ai pu savoir, monsieur aurait donné satisfaction à ses clients polonais en leur fournissant du matériel suisse. Mais il faut quand même mettre un bémol. C'est-à-dire ? Ben, il m'étonnerait qu'à l'occasion de cette affaire, un service occidental n'ait pas été tenté de rééditer le coup des soviétiques. En introduisant sur ce nouveau matériel des dispositifs d'espionnage ? La circonstance était trop belle, non ? C'était encore la guerre froide, ne l'oubliez pas. Ouais. Et ce service occidental, vous pensez aux Américains ? Naturellement. Ouais. Et en même temps, monsieur, qui ne perd jamais de vue ses propres intérêts, propose aux dirigeants polonais d'être leur VRP en matière de vente d'armes. Quand même, un représentant de commerce occidental pour un État communiste, ça aussi c'est inédit. Hein. Tout à fait. Et monsieur essaie en particulier de vendre à l'étranger une version modernisée et relativement sophistiquée du T-72, un char originellement construit par l'URSS. Mmh. Oui, c'est très connu, mais il a réussi ? Je ne sais pas. Mais il est certain qu'en ayant eu la possibilité de fouiner dans les arsenaux polonais, il a glané quelques informations intéressantes. Ah, le renseignement, toujours. Oui, avec monsieur, on est toujours dans l'ambiguïté, à la limite entre l'espionnage et le commerce. L'un et l'autre ne s'excluant pas. Ah, bien au contraire. Les comptes bancaires de monsieur en témoignent, même s'ils n'ont pas tous été découverts. Ouais. Alors le marchand d'armes là, se diversifie à l'orée des années 90. Et ses affaires vont fructifier. Mais je vais vous le démontrer. Mais a-t-il pour autant cessé de travailler pour l'Iran ? Non, bien sûr. La première guerre du Golfe étant terminée, les Iraniens n'ont plus besoin d'armes. Ou beaucoup moins qu'autrefois. Sauf qu'ils sont toujours demandeurs en pièces détachées pour les avions qu'ils ont achetés aux Américains du temps du Shah. Et puis ils lorgnent aussi du côté des missiles Matra. Cependant, situation paradoxale maintenant, ils sont aussi vendeurs. Car ils veulent se débarrasser des énormes stocks qu'ils ont accumulés pendant la guerre. Et c'est à Jacques Monsieur qu'ils s'adressent. Oui, pour vendre une partie de ses matériels. Donc, il va vendre des armes qu'il aura précédemment vendues. C'est la vérité. Oui. Ouais. Il aura donc touché deux fois. En effet, mais en ce début des années 90, le gros de son activité commerciale va désormais se concentrer sur l'ex-Yougoslavie. Ouais, où la guerre va faire rage entre les diverses républiques de l'ancienne fédération. Et hein. Ça arrive à un moment où on trouve beaucoup d'armes sur le marché. Alors, à commencer donc par ces matériels en provenance d'Iran. Ah, mais il y a aussi les armes des arsenaux de l'Est européen. Les anciennes démocraties populaires et les républiques de l'ex-URSS disposent aussi d'importants surplus d'armes soviétiques. Et certains officiers supérieurs vont les vendre sans aucun scrupule. Ouais, c'est une façon d'arrondir leurs maigres soldes. Eh oui, c'est comme ça qu'on verra circuler des matières radioactives issues par exemple des silos de fusées soviétiques. Là, je m'éloigne. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'un trafiquant avisé et malin comme monsieur n'a aucun mal pour trouver des armes afin de les revendre. Et comment commence-t-il à s'intéresser à l'ex-Yougoslavie ? J'allais vous dire qu'en ces années-là, un marchand d'armes ne pouvait pas ne pas voir dans ces républiques balkaniques qui allaient se déchirer de futurs très bons clients. Et je vous rappelle le contexte. Dès le début du conflit, en septembre 1991, l'ONU décide un embargo général pour ces pays ex-Yougoslaves. C'est injuste, parce que l'armée fédérale est principalement serbe. Et en outre, ce sont les Serbes qui sont les agresseurs, il faut le rappeler. Et qui sont de facto les mieux armés. Les autres républiques, Slovénie, Croatie et Bosnie, ne possédant pas d'armée en propre. Ouais. Et l'armée fédérale était équipée, il faut le dire, de façon très moderne. Et abondamment pourvue en matériel et en munitions. D'ailleurs, les usines d'armement se trouvaient généralement en Serbie. Ce contexte explique donc les premiers succès de l'armée serbe. Qui demeure fédérale, car le petit Monténégro tardera à faire sécession. Oui. Donc, à cause de l'embargo international, les marchands de mort, comme on les appelle, réalisent très vite qu'il y a là d'éventuelles excellentes affaires. Oui, mais à condition de pouvoir faire parvenir les armes aux belligérants. Bien entendu. Mais ailleurs, et je pense surtout à l'Iran, il a été possible, malgré les mesures d'embargo, de créer des filières clandestines et des réseaux d'acheminement tout aussi clandestins. Enfin, n'allons pas trop loin. Monsieur, et il faut lui reconnaître un sens de la réactivité exceptionnelle, prend très vite contact avec les dirigeants croates. Et Franjo Tudjman. Un ancien officier de l'armée fédérale qui deviendra aussi le premier président de la jeune république de Croatie. Mais ce premier contact-là ressort-il de sa seule initiative ? Plus tard, Jacques Monsieur prétendra que ses correspondants des services secrets de l'armée états-unienne, la DIA, l'ont incité à se rendre en Croatie. Bon, allez savoir. Le marchand d'armes aura toujours tendance, et comment ne pas le comprendre, à dire qu'il a toujours travaillé sur ordre. Oui, sur ordre des services secrets. Et pas toujours les mêmes. Ouais. Bah, c'est une façon d'échapper à ses responsabilités, ou au moins de les diluer. Hein. Ça me semble évident. D'accord. Mais l'intérêt des États-Unis là, dans cette affaire là... Il est certain qu'à Washington, puisque l'éclatement de l'ex-Yougoslavie est désormais inéluctable, on n'a pas très envie de voir le socialiste Milosevic s'imposer dans les Balkans. Oui, parce que c'est l'héritier en ligne directe de la Yougoslavie collectiviste. Même s'il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Tudjman, lui, est un nationaliste et un libéral, partisan de l'économie de marché et du capitalisme. Alors, ouais, c'est ça. Pourquoi ne pas l'aider face à un voisin trop gourmand ? Je pense que c'est ce qu'on a dû se dire à la Maison-Blanche. Donc, il n'est pas impossible qu'en se rendant près de Tudjman, monsieur ait été effectivement mandaté. D'autant que le marchand d'armes avait déjà rendu beaucoup de services au temps de l'Irangate. Mais et c'est là que ça va devenir très compliqué. Monsieur, qui réside alors en France, je vous le rappelle, dira aussi que la DST, Service français de contre-espionnage, n'ignorera rien de l'affaire et même l'encouragera. Rendez-vous avec X. Georges Bergezan, chercheur belge et bon connaisseur des trafics d'armes, raconte ceci dans un ouvrage paru chez Complex en 2002, un récit qui rejoint celui de mon interlocuteur. Selon des documents saisis plus tard par la justice, de nombreuses armes livrées à la Croatie et à la Bosnie provenaient également de pays est-européens et de Chine. Lors d'un interrogatoire par un juge français le 26 septembre 2000, soit quelques semaines avant sa disparition, disparition entre guillemets, en Iran, monsieur déclare que son implication dans les conflits yougoslaves a commencé fin 1991 avec une requête de la CIA qui semble avoir organisé un entretien entre le président croate Tudjman et monsieur à Zagreb. Tudjman aurait alors exposé en détail les besoins les plus pressants de son armée et monsieur dit alors avoir fait rapport à la CIA lors de son retour à Bruxelles. Selon ses dires, l'agence états-unienne l'aurait mandaté pour organiser cette opération et livrer des armes aux forces anti-serbes. Il affirme également que les autorités françaises étaient parfaitement au courant de ces livraisons et que la fourniture de certificats officiels pour les exportations d'armes ne posait aucun problème. Pour la Croatie, c'était organisé en haut lieu. J'ai du mal à comprendre pourquoi notre service de contre-espionnage aurait-il pu être mêlé à un trafic d'armes en direction de la Croatie. Mêlé ? Peut-être pas, encore que l'histoire que je vais vous raconter ensuite permet de nourrir de nombreux doutes. Mais informé, certainement. Et ça s'explique aisément. Jacques Monsieur résidait alors en France. Et il était normal que la DST surveille ses activités sur notre sol. Même s'il est vrai que matériellement, les armes qu'il vendait ne transitaient pas par la France. Mais je vous promets, je reviendrai sur ce point très précis qui prête à contestation. En attendant donc, je vous propose la très étrange histoire de Marine Temunić. Qui est-ce? C'est un franco-croate qui doit être aujourd'hui âgé d'une soixantaine d'années. Arrivé en France avec ses parents au milieu des années 60, il a suivi des cours à l'école des Beaux-Arts et il dirige aujourd'hui à Paris une société de rénovation d'appartements. Mais dans les années 90, ce paisible entrepreneur a vécu une aventure peu banale. Enfin, je vous raconte. En 1991, dès qu'il apprend que la Croatie vient de proclamer son indépendance, Temunić file là-bas. Ouais, un réflexe patriotique. Oui, oui, parce qu'il sait que cette proclamation signifie inévitablement la guerre avec la Serbie. Oui, l'ennemi héréditaire. Et notez bien que de nombreux Croates ou enfants de Croates exilés agiront de la même façon. Et parmi eux, quelques militaires qui ont exercé dans notre légion étrangère. Oui, comme par exemple le fameux général Gotovina. Là. Oui, oui, cet officier, ancien légionnaire, promu à toute vitesse et qui doit répondre aujourd'hui de crimes de guerre. Eh bien, on va retrouver Gotovina et quelques-uns de ses gros bras d'amis dans le parcours de Jacques Monsieur. Mais je reviens à Marine Temunić. Il a d'autant plus envie de venir au secours de sa patrie que Franjo Tudjman est un ancien compagnon d'armes de son père. Alors j'imagine qu'aussitôt arrivé en Croatie, il se présente à Tudjman. Bien évidemment. Et le nouveau président croate l'enrôle aussitôt. Ouais. Dans l'armée? Non, non. Tudjman pense, non sans raison, que Temunić, qui possède la nationalité française, saura être un excellent intermédiaire entre Paris et Zagreb. Et voilà Temunić qui se voit bombardé comme conseiller à la présidence croate avec un statut de fonctionnaire. Mais, attendez, plus précisément, là, à quoi pense Tudjman? Le point faible de la Nouvelle-Croatie, je vous l'ai dit, c'est les armes. Et le président croate pense que Temunić pourra trouver des équipements militaires en France. Pardonnez-moi, mais à l'époque, ça ne semblait pas très évident. D'abord parce qu'il y avait l'embargo, mais aussi parce que traditionnellement, la France était une vieille amie de la Serbie. C'est tout à fait exact. Mais en politique, il y a les sentiments et la raison. Et la raison commandait que la France participe à respecter un relatif équilibre dans les Balkans. Alors, y compris en aidant la Croatie à se doter d'armement. Et en effet, secrètement, bien entendu. Ouais. Et c'est donc alors ce Temunić qui va être chargé de l'affaire côté croate. Et côté français, alors? On aurait pu imaginer que le gouvernement français confie cette tâche à notre service de renseignement extérieur. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. C'est la DST qui a été choisie. La DST qui, pourtant, ne doit pas intervenir à l'étranger. Hein. C'est vrai, mais la DST dépend du ministère de l'Intérieur. Et au sein de ce ministère, il existe une société, la Sofremie, qui peut fournir des armes. Mais je croyais que sa raison sociale lui permettait surtout d'exporter des équipements pour les polices étrangères. Certes, mais on peut toujours trouver des arrangements. Et puis, lorsque la Sofremie ne peut donner satisfaction, on s'adresse à des marchands d'armes. Alors, on sait qui, la DST? Oui, aussi extraordinaire que cela paraisse. Et c'est ainsi qu'on va retrouver notre Jacques Monsieur, car c'est lui qui va s'occuper de la plupart des livraisons de matériel. Il faut dire que c'est l'homme idoine. Grâce à l'un de ses associés, un Slovène, il a accès aux arsenaux de l'ancien bloc soviétique. Et c'est ce qui intéresse en priorité les militaires croates qui ont été entraînés avec ce genre de matériel au temps de la Yougoslavie. Oui, c'est assez logique. Mais attendez, quand même, comment tourner l'embargo ? Plus d'une ficelle a été utilisée. Un seul exemple. Les navires chargés d'armes gagnaient les ports slovènes et croates lorsque c'était la marine française qui était chargée de la surveillance de la côte adriatique au nom de l'OTAN. Et ça n'était pas plus compliqué que ça. Alors la France est donc complètement compromise dans ce trafic. Ça me paraît clair. Et ça sera d'autant plus facile lorsque viendra la cohabitation à Paris. Si de nombreux responsables socialistes demeuraient nostalgiques de notre vieille amitié avec la Serbie, la droite au pouvoir penche au contraire plutôt pour la Croatie catholique. Y a-t-on une idée des quantités d'armes qui ont été fournies à l'armée croate ? Jusqu'aux accords de Dayton qui ont mis fin en 1995 à la guerre entre les trois anciennes républiques de Yougoslavie, il a été livré chaque année des matériels pour des centaines de millions d'euros. Mais je vous rassure, les Américains ont eux aussi joué leur partie dans ce trafic. Et alors, Tom Mulich, lui, qu'est-il devenu lorsque la paix a été conclue ? Dans un premier temps, il est resté en Croatie, où le pouvoir l'a nommé à la tête d'un conglomérat agroalimentaire avec pour mission de mettre fin au détournement de fonds. Mais dangereux, ça. Très dangereux, oui. Et après plusieurs mésaventures, il a jugé plus sage de revenir en France. Mais il n'en a pas fini pour autant avec son passé croate. Expliquez. À plusieurs reprises, il a été victime de tentatives d'assassinat. Quoi, les corrompus qu'il a traqués ? Peut-être. À moins qu'on ait estimé que Tom Mulich en savait un peu trop sur les trafics qu'il avait couverts pendant la guerre des Balkans. L'application des services français ? Pourquoi pas ? Alors bien sûr, malgré les plaintes qu'il a déposées, Tom Mulich ne dort pas vraiment tranquille, d'autant que dans l'entourage de Jacques Monsieur, certains de ses amis engagés dans ce trafic d'armes ont quitté ce bas monde un peu prématurément. Un ex-légionnaire, par exemple, un compagnon du général Gotovina, un certain Marty Capio. Je crois qu'on en a parlé quand on a évoqué la carrière de Gotovina. Mais la DST, là, pourrait-elle avoir des comptes à rendre à la justice ? La DST, vous le savez bien, n'existe plus. Elle a été fondue dans un nouvel organisme, la DCRI. Franchement, il m'étonnerait que des fonctionnaires français aient à répondre de ces affaires. Quand Marine Tomulic a porté plainte, il a demandé au juge d'instruction, chargé de son affaire, d'entendre des agents de la DST. Mais le procureur a refusé. Et quelques années plus tôt, lorsque monsieur a fini par avoir des ennuis avec la justice française, il a demandé lui aussi que des fonctionnaires du contre-espionnage soient entendus. Demande là aussi refusée. Alors, on revient à monsieur si vous voulez bien. Oui, le temps. Il est certain qu'avec ses guerres en ex-Yougoslavie, le trafiquant vit alors son âge d'or. Il achète des armes dans le monde entier et brasse des quantités d'argent considérables. Il déploie une ingéniosité sans pareil, en particulier pour transformer les armements qu'il vend en innocents produits médicaux ou en matériel pétrolier, ou encore pour obtenir auprès de pays tiers ces fameux certificats d'exportation dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais vous parlez des guerres, là. Il vend à d'autres républiques que la Croatie ? Il va en effet proposer ses services aux Bosniaques musulmans. Mais c'est délicat, car pour arriver en Bosnie-Herzégovine, les armes doivent passer par la Croatie. Et il lui faut dispenser des 13 heures de diplomatie pour arrondir les angles entre les deux républiques indépendantes qui ont des rapports très difficiles, tantôt alliés, tantôt ennemis. Et quand la paix revient, là, après les accords de Dayton, où va se tourner monsieur alors ? Vers l'Afrique, bien sûr. Le terrain de chasse préféré des marchands de mort. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. J'ai déjà évoqué au cours du premier entretien consacré à Jacques Monsieur le roman à clé de Serge Bramley, le premier principe, le second principe. Son marchand d'armes, Monsieur Joyeux, ressemble beaucoup au Belge. Nouvel extrait. Monsieur Joyeux utilisait le port de Rijeka depuis l'époque où il équipait la jeune armée croate au début des années 1990. Les canons à obus Howitzer, les efficaces mitrailleuses de 50, les milices russes Igla, les Milan français, les Uzis israéliens, les munitions par centaines de mille voyageaient grâce à des certificats end-user de complaisance et de faux documents de non-réexportation. Officiellement destinés au Paraguay ou au Tchad, une avarie que justifiait d'énormes pots de vin et des protections au plus haut niveau permettait leur débarquement de jour sur un quai de l'Adriatique. Pourquoi se cacher ? Monsieur Joyeux avait si bien tissé sa toile qu'il louvoyait à son aise entre les forces maritimes internationales chargées d'appliquer le blocus. Un patrouilleur américain, les Américains soutenaient la Croatie, escorta même un jour un rafio à travers tout le canal d'Otrante. Lorsque le conflit s'étendit, que l'embargo toucha l'ensemble des États de l'ex-Yougoslavie et qu'il lui fallut approvisionner les musulmans bosniaques pour le compte des Iraniens, qui leur dépêchait déjà des instructeurs, des aspirants aux martyrs et des imams, M. Joyeux continua à passer par Rijeka. Les frères ennemis croates et musulmans de Bosnie faisaient front commun contre les Serbes et se partageaient les cargaisons aussi équitablement que possible. En Afrique, monsieur, si j'ose dire, avait l'embarras du choix pour trouver des clients. Mais petite parenthèse avant de parler de ses affaires africaines, le marchand commet un premier faux pas au milieu des années 90. Et ça finira par lui coûter très cher. Jusqu'alors, je vous l'ai dit, monsieur a travaillé en parfaite connivence avec les Occidentaux. Les États-Unis, la France, oui, Israël. Oui, et il a aussi toujours conservé des rapports très étroits avec les Iraniens qui l'aidaient à écouler leur surplus de la première guerre du Golfe tout en continuant à leur vendre des armes. Et justement, il fait une offre à Téhéran. Il peut se procurer des missiles Stinger, ces redoutables petites fusées air-sol qui, remis aux Moudjahidines afghans, sont sans doute responsables de la défaite de l'armée rouge en Afghanistan. Or, les Américains refusent l'exportation de ces missiles performants. Ils ont surtout peur que des terroristes ne s'en emparent. L'affaire de la vente des Stingers échoue. Mais désormais, Jacques Monsieur ne jouit plus de la confiance des services états-uniens. Pire, les Américains sont décidés à tout faire pour le mettre hors circuit. Ah bon, refermons la parenthèse. En Afrique, le trafiquant jette son dévolu sur le Congo-Brazzaville, déchiré par une interminable guerre civile. Et au Congo, il faut choisir son camp. Ah, fidèle à l'attitude qu'il a toujours adoptée, ne vendre qu'à des gouvernements. Monsieur s'adresse donc au président congolais démocratiquement élu. À l'époque, c'est Lissouba. Qui affronte alors deux milices armées, dont l'une est dirigée par l'ancien président, Sassou Nguesso. Sassou qui veut absolument récupérer son poste. Hein. La situation de Lissouba est de plus en plus périlleuse. Pour résister, il faut des armes et beaucoup d'équipements militaires. Une fois de plus, Jacques Monsieur apparaît comme l'homme indispensable. Mais Lissouba doit disposer de suffisamment d'argent pour payer ce matériel. Et là, nous entrons dans l'un des aspects les plus contestables de ce système qu'on a appelé la France-Afrique. Je vais vite, hein, car c'est un sujet que nous avons maintes fois évoqué. La seule richesse du Congo-Brazza, c'est son pétrole. La compagnie Elf va donc être sollicitée. Pour acheter ses armes. Ou pour ce qui revient au même, prêter de l'argent pour les payer grâce à des contrats de préfinancement. Oui, ça aussi on en a parlé. C'est le Congo hypothèque sa production future de pétrole. C'est ça. Une pratique qui a été mise au point par la banque de la compagnie, la FIBA, domiciliée au Gabon. À partir de mai 1997, la société de Monsieur peut donc effectuer toute une série de livraisons au Congo. Une douzaine au total. On y trouve de tout, des missiles, des obus, des hélicoptères de combat et même trois avions de transport Antonov 12. Mais monsieur va encore plus loin. Il met aussi à la disposition du président Lissouba et de son armée des pilotes et mécaniciens ukrainiens. Des mercenaires. Bien entendu. Mmh. Et tout ça se passe dans un climat barbouzard que je vous laisse imaginer. On y repère en particulier un ancien responsable de la sécurité de la société Luchère, qui deviendra aussi le responsable du service d'ordre du Front National. Voilà. Cependant, vous savez ce qui arrive en octobre 1997. Sassoon Guesso triomphe. Problème. Monsieur n'a pas encore été payé. Et le vainqueur, c'est ce que j'imagine, refuse de s'acquitter d'une dette contractée par le président qu'il vient de chasser. Même si Sassou s'appropriera les matériels commandés par les sous-marins. C'est une bonne guerre, ça, oui. En tout cas, monsieur veut absolument récupérer son argent. Et presque naturellement, il demande des comptes à la banque de la compagnie Elf. Cette FIBA, hein, c'est ça? Oui, oui, mais les dirigeants de la banque renâclent. Il s'ensuit une longue et difficile négociation qui se déroule à Genève. Mmh. Le marchand d'armes a-t-il des chances de se faire payer? Une partie, oui, car il a gardé des cartes en main. Des documents très révélateurs sur les pratiques de la banque. L'implication de la compagnie dans l'achat des armes, le système des préfinancements, des commissions, et surtout des rétro-commissions. Ouais, ces rétro-commissions, ce sont ces sommes d'argent qui reviennent en France et financent parfois des partis politiques. Voilà. Mais les avocats de la banque rétorquent que la FIBA ignorait que l'argent prêté à Issouba servait à acheter des armes. Cette discussion de marchand de tapis est donc fort longue. Finalement, monsieur touchera quelques millions de dollars et pour compenser ses pertes, la compagnie pétrolière s'offrira à lui ouvrir le marché d'armes angolais. Ouais, l'Angola, où Elf est aussi très engagé. Hein. Toutefois, j'ai du mal à admettre que ce n'est pas un hasard. C'est la justice qui va maintenant s'intéresser sérieusement à Jacques Monsieur. En fait, tout a commencé bien plus tôt. Mais je suis persuadé que ce sont les démêlés du marchand d'armes avec Elf qui vont précipiter les choses. Ça et la volonté états-unienne de se débarrasser d'un homme qui a rendu autrefois de grands services, mais est devenu inutile. Et même dangereux depuis l'affaire des Stingers. Alors ça commence comment? Les Belges, depuis l'épisode assez rocambolesque de la découverte par la douane de la mystérieuse valise de l'agent du Mossad... Un épisode dont vous avez parlé lors de la première partie de cet entretien. Et les Belges, donc, avaient depuis longtemps Monsieur dans leur collimateur. Oui, c'est pourquoi le marchand d'armes avait préféré s'exiler en France. Hein. Mais en 1996, donc après l'épisode de la vente des Stingers, les magistrats belges transmettent une commission rogatoire à leurs collègues français. Une perquisition est pratiquée dans la propriété Berrichon de Monsieur... Et là, les gendarmes français mettent la main sur quantité de documents qui ne laissent aucun doute sur les activités commerciales du trafiquant. Commerciales et frauduleuses? Il y a notamment des preuves écrites de la violation de l'embargo international lors de la guerre des Balkans. Alors, est-ce que monsieur gardait ces documents? Pas très prudent, non? Il n'y a que deux explications. Ou bien le Belge était très négligent, ou alors il était persuadé de son impunité. Quoi qu'il en soit, malgré toute cette accumulation de preuves, Monsieur n'est pas encore inquiété. Et il peut continuer à vaquer à ses affaires, en particulier en Afrique. Et il faut attendre 1998 pour que le ministre français de la Défense dépose une plainte pour infraction à la législation sur le commerce des armes. Au moment donc où il se débat avec la banque de la compagnie Elf. Alors vous comprenez pourquoi j'ai des doutes. Enfin, poursuivons. La justice se hâte lentement et monsieur continue tranquillement à vendre des armes. Ouais, sa sérénité s'explique aussi, c'est vous qui me l'avez dit, par le fait que les armes ne transitent jamais par la France. Et ce sera aussi la défense d'un autre marchand d'armes, Pierre Falcon. Bon, enfin, passons. En 1999, deuxième perquisition et interdiction de voyager. Monsieur prend peur et il abandonne le Berry. Où va-t-il, là? Bah, il fait une brève halte en Provence où il stocke une partie de ses archives. Puis en 2000, malgré le fait qu'il ne dispose plus de passeport, il disparaît. Sans doute en Afrique, car lorsqu'il réapparaîtra, il sera en possession d'un passeport ivoirien. La Côte d'Ivoire, nouveau client pour le Belge? C'est probable. Et quand il réapparaît, comme vous dites, là, c'est où? En Iran, toujours en 2000. Tandis qu'une troisième perquisition a lieu en France, dans cette maison du Midi, où il a dissimulé ses papiers. Et en Iran, alors, que fait-il? Oh, il y est certainement venu pour faire des affaires. Il compte là-bas de nombreux amis. Il est très haut placé, hein. Pourtant, au mois de novembre, il est arrêté, immédiatement mis au secret. Pourquoi? Mystère. Mais vous avez quand même une petite idée, non? J'y ai beaucoup réfléchi. On pourrait d'abord penser que cet homme susceptible de pouvoir faire des révélations très embarrassantes a été mis à l'ombre à l'instigation de certaines personnalités occidentales. Comme politique, industrielle? Par exemple. Mais les mauvaises relations entre l'Occident et l'Iran des ayatollahs rendent cette hypothèse peu probable. Non, non, je crois que cette mise à l'ombre a quelque chose à voir avec le nucléaire. Monsieur, qui avait déjà essayé de mettre au point une filière de fourniture d'uranium congolais vers l'Iran, a peut-être approché de trop près certains secrets iraniens. On voit aujourd'hui combien le sujet est sensible. Et il fallait qu'il le soit pour que, malgré les protections dont il disposait, le Belge soit emprisonné. Et il lui a fallu attendre le printemps 2002 pour être enfin libéré, après avoir payé un demi-million de dollars. Il a donc été condamné, oui ? À 10 ans de prison, oui. Mais comme il a payé, il est libre. Mais il ne semble pas trop pressé de quitter l'Iran. Pour quelle raison, là ? Nouveau mystère. Mais il sait néanmoins qu'il risque d'être à nouveau arrêté s'il revient en Europe. La justice belge l'a en effet condamné, entre-temps, à 5 ans de prison ferme pour exportation illégale d'armes. Par contumace, donc. Mais il est quand même décidé à revenir en Belgique. Pour se justifier, non ? Et pour affirmer une nouvelle fois que son commerce d'armes lui a toujours été commandé par des services secrets, et donc par des États. C'est pourquoi, à l'automne 2002, il prend l'avion. Mais l'appareil fait escale à Istanbul. Et cette fois, ce sont des policiers turcs qui montent à bord et arrêtent le marchand d'armes. Attendez, les Turcs ont-ils quelque chose à lui reprocher ? Non, mais ils exécutent un mandat d'arrêt international émis simultanément par la France et la Belgique. Monsieur va rester 5 mois enfermé à Istanbul. Et tout ça donne l'impression qu'on cherche à retarder le plus possible le retour de monsieur. Quoi qu'il en soit, en décembre 2002, il peut être rejugé en Belgique. En sa présence, là, alors ? Oui, et à huis clos, comme si on voulait éviter le grand déballage. Et monsieur écope d'une simple condamnation avec sursis. Ah bon ? Il recouvre donc la liberté tout de suite, hein ? Mais la justice française le réclame. Il est donc extradé, arrêté, et au printemps 2008, il comparaît avec quelques-uns des membres de son équipe devant le tribunal de Bourges. Résultat ? Malgré les charges très lourdes qui pèsent sur monsieur et ses co-accusés, c'est encore des peines avec sursis pour tout le monde. Et c'est au cours de ce procès, alors, qu'il a été refusé que des agents de la DST soient appelés à la barre. Exactement. Le tribunal n'a pas voulu entendre parler de ces affaires de services secrets. Donc après Bourges, monsieur est à nouveau libre. Mais pas pour longtemps. Dès 2009, il se fait piéger par un agent du FBI qui se présente comme un émissaire de Téhéran. Les Iraniens auraient besoin de pièces détachées pour leurs avions de fabrication américaine. Et il marche ? Oui. Mais pas très rancunier, non ? Ou alors, ça veut dire qu'il a préalablement fait la paix avec les Iraniens. En tout cas, attiré aux États-Unis par ce faux émissaire, il est arrêté. Et cette fois-ci, il risque très gros. Car ses anciens amis des services de renseignement n'ont certainement pas envie que Jacques Monsieur commence à déballer leurs petits et grands secrets. Je vous rappelle, un livre indispensable écrit par le journaliste qui connaît certainement le mieux Jacques Monsieur, Laurent Léger, son ouvrage « Trafic d'armes » publié par Flammarion, fourmille d'informations et de précisions. À noter aussi la parution toute récente aux éditions La Découverte d'une passionnante histoire secrète du patronat sous la direction de Benoît Colomba et David Servenet, dont vous pouvez aussi lire les enquêtes sur Jacques Monsieur sur le site de Rue 89. Et puis, un autre livre, le dernier opus de Monsieur X, coédité par Nouveau Monde et France Inter. Il est tout juste arrivé en librairie. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Merci à Valérie, à Yestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Joub. Et tout de suite, après le flash, c'est Au de mon amour de Denis Chessou.